Votre mission dans la courte échelle, si vous l'acceptez. Votre mission dans la courte échelle, si vous l'acceptez. Et de faire écouter à vos auditeurs des artistes indépendants talentueux. Patatata, mon pote. Et ça y est, c'est parti, c'est l'heure de la courte échelle, c'est l'heure de découvrir des artistes indépendants ou de retrouver d'autres artistes, et c'est le cas aujourd'hui que vous avez découvert dans des numéros précédents et qui nous propose des nouveautés. Mais vous le savez, je n'apprends rien à personne, la situation est compliquée en Ukraine et des artistes se sont réunis et se sont précipités dans les studios d'enregistrement pour nous proposer des titres pour venir en aide au peuple ukrainien. Et cette émission va démarrer avec Prigal et l'empreinte. Casser tous les bacs à sable. Prigal, l'empreinte. Marion Rampal, vous l'avez sans doute découvert également dans La Courte Échelle. Voici sa nouveauté, Où sont passées les roses. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. À l'ombre de Kimon, nous allons nous prendre au jeu du monde. Nous reverrons les heures du choix qui tendent sur les ondes. Qui gronde dans son jardin fonde sur la route, qui ose à travers moi, qui gronde sous mon doute. L'amour passe en sifflant devant moi, mais sa flèche est à l'ombre. Et sous les plaies ouvertes, je vois, et je rejoins la ronde. Allons voir si les roses poussent encore décemées, nous parlent d'autres choses au-devant de qui sait. Allons voir si les roses poussent encore décemées, nous parlent d'autres choses au-devant de qui sait. I found love, but how my skin was torn. Roses seldom grow without a thorn. Our wounds heal, bathed in the spring of words. When sung lonely with the birds. Allons voir si les roses poussent encore dessonnées, nous parler d'autres choses au-devant de qui sait. De qui ment, nous allons nous perdre au jeu du monde. The candle in the shadow glows, keep looking for the rose. Nous reverrons les heures du choix qui tombent sur les sons. Robin Bennett également, que nous connaissons bien dans la courte échelle, nous propose une nouveauté tech, It's Low. La courte échelle. You choose. choose not to show. Interruptions guide us, but what if we just surrender to silence? Please stick to your path, find the beauty inside. You've got so much to offer if you'd only see. Lift your head up, put it down, take a breath and look around. It's not really all that bad, we just need some time to reconnect, to decompress, to take it slow and just let it go. Puisque nous en sommes aux nouveautés, eh bien je vous propose Christophe. Lui aussi a sorti un titre il y a peu, ça s'appelle Funky Love. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Just give me love, baby. Give me funky love, give me a funky love, oh baby. Give me funky love, give me a funky love. Vous écoutez La Courte Échelle, chaque semaine des talents à découvrir. Il ne s'agit pas, à proprement parler, d'une nouveauté pour Pascal Descazeaux que nous connaissons bien dans cette émission, puisque la chanson a été écrite autour des années 2000. Ça a pour titre « Je rêve » à Pascal Descazeaux. Mille filles, mille cris, mille enfants nus sous le ciel. Je rêve de mille arcs-en-ciel, mille sourires qui nous rappellent à des choses plus essentielles. Je rêve de mille tendresses, mille baisers, mille caresses, mille murmures, mille douceurs. Papa, c'est Eric Abraham, il est originaire de Bruxelles, il est chanteur de naissance, comme il dit lui-même, un peu comme on respire. Même si la voix et la guitare sont de loin les instruments qu'il affectionne le plus, le garçon est multi-instrumentiste et son métier, c'est ingénieur du son. C'est vous dire que le son, il connaît. Le voici avec Fou de toi, Guita Papa. La courte échelle. le rendez-vous des artistes indépendants. Il est tard, tu vois. Notre histoire est fragile, mais ça tu sais déjà. Ce cœur que tu dessines, sourd de pare-brise, s'en va. Cette vapeur qui condense est une larme, je crois. Pas de deuxième chance. Le meilleur reste à venir, garde la confiance. Et si le bateau tangue un peu, profite de la danse. Ces embruns sous tes cils, encore une larme je vois. Oh, je suis fou de toi. Et toujours avec moi. Nos âmes sont comme ça. On est trois fois rien, mais dans le même état. Toi et moi, on s'est inventé un monde enchanté où même les fées ont peur d'y mettre les pieds, remplis de secrets. À demi-mot, notre amour est loin d'être parfait. Je suis fou de toi. Et tu joues avec moi. Nos âmes sont comme ça. On est trois fois rien, mais dans le même état. Toi et moi. Toi je et moi. Comme ça, on est trois fois rien, mais dans le même état, toi et moi. Surette, ce sont des vétérans de la scène de la région de Québec. Je vous les laisse découvrir dans La Courte Échelle avec Viril Fragile. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Mais tu tu sauras jamais à quel point tu me plais. Non, tu sauras jamais. Nous écouterons sans doute dans l'émission de la semaine prochaine la Belge Vicky Joyce avec Vivre du silence, son dernier titre en date. Pour l'instant, voici le titre éponyme de son album Émotion. La courte échelle. Émotion forte. La vie est là et quand j'abandonne, La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants. Et si nous remontions le temps ? Remonter le temps, c'est le titre que se propose de nous chanter Erika Lupinetti. Deux êtres dans la nuit, s'aiment à la folie. Puis arriva le jour où s'éteint pour toujours la flamme de leur amour. Un combat sans retour lui plonge dans l'oubli. Elle chantait puis sourit. Remonter le temps, surmonter nos peurs et se dire souvent des mots de chaleur qui nous manquent tellement, qui réchauffent nos cœurs de beaux sentiments. Un mot, le bonheur. Il cherche le moyen de briser son destin. Elle vit une autre vie sans une pensée pour lui. Deux êtres dans la nuit s'aiment à la folie. Puis arriva le jour, il s'éteint pour toujours. Remonter le temps, surmonter nos peurs et se dire souvent des mots de chaleur qui nous manquent tellement, qui réchauffent nos cœurs de beaux sentiments. Un mot, le bonheur. Remonter le temps, surmonter nos peurs et se dire souvent des mots de chaleur qui nous manque tellement, qui réchauffe nos cœurs de beaux sentiments. Amour, le bonheur. Remonter le temps, surmonter nos peurs et se dire souvent des mots de chaleur. Ina Forsman est originaire de Finlande, elle est basée à Berlin. Elle a décrit sa musique comme de la soul cinématographique. Ses chansons sont influencées par l'âme des années 60 et 70. Chaque titre a une dramaturgie. La voici, Ina Forsman, avec Don't Lose Today. La courte échelle. Since I was a child, I've been dreaming my days away. swear it's gonna change. Nous avons découvert en début d'année Lina David dans la courte échelle avec une moitié quelque part. La voici avec un autre titre, ça s'appelle À tous ces âmes. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Si soudain, si tragique, parti tellement vite, pas eu le temps de t'avouer mes sentiments. Maintenant que tu es au paradis, te le dire avant. Dans tes pupilles brillantes, tu étais si charmante, si jolie et souriante. Tu étais notre amie, un rayon de soleil. Thank you. C'est le 25 février dernier que l'actrice, compositrice, interprète belge Lucie Valentine a rendu public son quatrième clip et ça s'appelait Une histoire à la con. Ça s'appelle toujours d'ailleurs Une histoire à la con. Et ce nouveau single est idéal pour faire sourire les célibataires romantiques. Il est disponible sur toutes les plateformes depuis le 4 mars dernier. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Salut, c'est moi Lucie. Ça fait bizarre de se voir en vrai. Qu'est-ce que tu bois? Un Campari. Bouge pas, j'y vais. J'ai de la monnaie. Oui, moi aussi. J'adore Paris. Ça bouge, ça danse. Ça vit la nuit. Mais je me sens seule. Malgré tout ça, j'ai pas le temps pour ces choses-là. Alors voilà, moi j'en suis là. Pas de projet, pas de bébé, pas de maison. Pas de voyage, pas de mariage. J'ai besoin d'une histoire à la con. C'est quoi ce petit sourire et ce regard de chien battu? T'emballe pas, je te vois venir. Pas de sentiment, ça j'en veux plus. Pourquoi tu dis que je suis belle? Ça rime à quoi? T'as pas compris? Oui, c'est peut-être un peu cruel. J'ai pas le temps pour ces conneries. Alors voilà, moi j'en suis là. Pas de projet, pas de bébé, pas de maison. Pas de voyage, pas de mariage. J'ai besoin d'une histoire à la con. On va chez toi, on va chez moi. Les bijoux, les mots doux, sans façon. Pas d'attache, pas d'illusion. M'embrasse pas, enlève ton pantalon. Si je parle comme ça, c'est simple, tu vois. J'ai trop pleuré, trop souffert jusque-là. Mais si j'osais, si je faisais un pas, toi, tu me regardes d'une façon que je connais pas. Alors voilà, et pourquoi pas? Un projet, un bébé, une maison. Un voyage, un mariage. J'ai besoin d'une histoire en béton. On va chez toi, on va chez moi. Les bisous, les mots doux pour de bon. Je me laisse aller dans tes bras. J'en veux plus des histoires à la con. Je me laisse aller dans tes bras. J'en peux plus des histoires à la con. La courte échelle. Restons en Belgique avec Matthei Constantin, puisqu'il y est né. C'est un auteur, compositeur, interprète et violoniste, ayant grandi en Californie puis en France, de formation classique et jouant au violon depuis l'âge de 2 ans. Matthei a été violoniste dans des orchestres classiques en France, à l'étranger aussi, avant de se former en chant et musique actuelle et d'aller vers un univers pop avec des influences variées. Le voici avec Supernatural. Say goodnight. Wanna kiss you now. Don't wanna say goodbye. We're out here, so near. Let's let's make love in the forest. We're sincere, so free. Let's make love in the forest. To the rising of the trees, the passing of the leaves, and so many memories. To the rising of the trees, the falling of the bees. I gotta tell you everything that's coming to me. Cause I'm supernatural. You everywhere, open myself to you. Sweet smells are in the air. We're out here, so near. Let's make love in the forest. We're sincere, so free. Let's make love in the forest. To the rising of the trees, the passing of the leaves, and so many memories. And so many memories. To the rising of the trees, the falling of the bees. I gotta tell you. Angelini non plus n'est pas un inconnu dans la courte échelle, on l'écoute avec Étoile. La courte échelle. J'aimerais vous raconter l'histoire de mon parcours, ce qui m'aurait amené à chanter Spirit Troubadour. Je vous assure, j'ai dû briser tant d'armures, négocier mes blessures et les sécher à l'air pur. J'ai creusé dans mes plaies, embrassé mon désespoir. Soudain s'est allumée une faible lueur dans le noir. Je m'y suis accroché, j'ai même commencé à y croire. Et la lueur devenue feu s'est invitée dans ma guitare. Quand je regarde les étoiles, je les entends briller. N'entends pas, je les chanterai pour toi. Ensemble, laissons danser nos voix. J'aimerais te raconter, petit frère, notre histoire. Notre père nous a quittés, là-haut il est si fier de nous voir. Souvent j'ai perdu pied, mon cœur cassé sur les trottoirs. Je m'accrochais à la vie tant que je pouvais la boire. Aujourd'hui je suis debout, je te chante mon espoir. Je t'emmène avec moi là où l'amour est une gloire. La vie m'a taillé, elle fait de moi ce que tu peux en voir. Elle nous donne une seconde chance et elle fait sonner ma guitare. Quand je regarde les étoiles, je les entends briller. Si tu ne les entends pas, je les chante pour toi. Ensemble, laissons danser nos voix. Quand je regarde les étoiles, je les entends briller. N'entends pas, je les chanterai pour toi. Ensemble, laissons danser nos voix. J'aimerais vous raconter l'amour en moi que j'ai trouvé. Il ne prend un sens seulement quand il est partagé. Alors je vous le crie, vous supplie d'entendre ces mots comme une douce prière faisant sourire nos idéaux. Alors je crois en toi, tu n'auras pas peur du grand saut. Il suffirait d'y croire en t'entends briller. Si tu ne les entends pas, je les chanterai pour toi. Ensemble, laissons danser nos voix. Chaque semaine dans la courte échelle, il y en a pour tous les goûts, quel que soit votre style de prédilection, vous y trouverez votre compte. Si vous êtes plutôt jazzy, eh bien écoutez Robin Michele qui arrive et c'est pour vous. I must have that man. La courte échelle. Treats me awful each time we meet. He's just unlawful how he can cheat, but I must have that man. He's hot as Hades, lady's not safe in his arms when she's kissed. I'm afraid that he's cooled off, and maybe I'm ruled off his list. I need that person worse than just bad. Oh, it's driving me crazy, it's driving me mad. He's only human and he can't be had, but I must have that. Thank you. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La courte échelle s'arrête là. J'espère que vous avez passé un bon moment et j'espère surtout que la semaine prochaine, vous serez encore là, fidèle au rendez-vous. D'ici là, je vous souhaite le meilleur et surtout, soyez heureux. Instant d'évasion, la courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants.